Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. And the program we present is Bonjour Minnesota. Tonight it will just be Dana à l'antenne. So I look forward to bringing you a soirée of great music and wish everyone off to a good start with some summer music from Les Négresses Vertes. And the album we're listening to is from Sire Records, 1989. C'est pas la meilleure à boire et voilà l'été. On y va. Seulement pas du tout, tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer

CD. Line. Oh. Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Must. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Un essuie-glace, un paquet. Cool un badge. Avec un script dessus. Keep cool. Une barre de chocolat. Un Coca-Cola. On se fait des Lang. En Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Must. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Bouteille de fluid makeup, un flash, un browning et un pick-up, un recueil, dead capo, un briquet, zippo. On se fait des langues en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Must. Gauche, Chang. À droite, et à gauche, à droite. Un numéro de Superman. Un écrou de chez Paco Rabanne. Une photo de Marilyn. Un tube d'aspirine. Lang. Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Must. À gauche. Tang. À droite. Fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des oui. Des clip, crack, des bang, des bang, et des zip, shabam, pow, flop, wheel. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait vlam, ça fait splash, et ça fait stop, ou bien bang, ou oh, parfois même shabam, pow, flop, wheel. Viens petit. Fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des flop, et des zip, shabam, pow, flop, wheel. Viens avec moi par-dessus le building, ça fait wheel quand on s'envole et puis cling. Après quoi je fais tilt, et ça fait boing, shabam. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des flop, et des zip, shabam, pow, flop, wheel. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, top. Je suis là, crash, pour te protéger, shot. Ferme les yeux, crack, embrasse-moi, slack, shabam, pow, flop, whiz, shabam. Shabam, pow, blah, whiz. Je me casse de ta soirée, un peu énervé. J'entends le drum and bass depuis l'escalier. Franchement, c'est chaud. forme possible pour y arriver. Devenir champion d'athlétisme et de corde à sauter. Oh oui, oh oui, oh oui. Savoir rester impassible aux appels de la ville. Oh oui, oh oui, oh oui. Passer ses pensées, éviter la corde sensible. This is Jumonday, and you can catch me at Acadia, yes, Mondays with Jumonday, playing nothing but classic hits. That means classic R&B, funk, jazz, hip-hop, all the good songs, all the good tunes. That's the Groove Lounge every Monday from 9:30 p.m. to 12:30 to unwind your day. Groove Lounge. Mark your calendar for this Saturday, September 16th, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. for the 25th anniversary celebration of Made in the Shade, Walk, Run, and Roll at Thomas Beach. This fundraiser supports day programs and residential homes who provide services for adults with intellectual disabilities while raising awareness around this community. Join KFAI and Disabilities in Progress for a fun morning of live music, treats, a grilled hamburger lunch, and more. All right, nous sommes de retour. On a écouté, qu'est-ce qu'on a entendu? C'était Serge Gainsbourg avec Bonnie and Clyde, Ford Mustang, comic strip, et après, c'était The Pirouette avec Dernier Métro. Le musicien, compositeur Serge Gainsbourg est très connu, mais sa fille Charlotte Gainsbourg aussi. Elle vient de sortir, elle a un nouvel album qui va sortir en novembre. Et la nouveauté, le titre s'appelle Reste. Et on va l'écouter maintenant. Charlotte Gainsbourg avec Reste. Prends-moi la main, s'il te plaît. Un coup de feu Changing how you get around? KFAI would like to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, motorcycle. Any vehicle you no longer use can be a great help to us. After a few minutes of paperwork you fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. All right. We just heard L'Escope avec Marlène et Le Forêt. Et juste avant, c'était Charlotte Gainsbourg avec Rest. So Charlotte Gainsbourg, the daughter of Serge Gainsbourg, with her new song Rest from her upcoming album, as well as the synth-pop French band L'Escope with their song Le Forêt, and Marlène, Marlène. So let's take a little detour, continuing on the synth-pop with Respire by Shah. Here we go. Venir m'épuisurer quand je me revois, enfant me dire tout ce que je ne ferai pas. Fais des études, disait mon père. Moi j'avais bien d'autres choses à faire. Et

pas le temps, se fait-il l'amant le plus capricieux. Et on navigue dans les méandres de nos sauts adieux. Approche-toi, oublions ça comme l'or, ce que nous sommes fabuleusement heureux. Oh, qu'est-ce que j'adore chat. Alors, chat or cat is from Geneva. She's been playing piano depuis qu'elle a 6 ans, since she was 6 years old. And there was a nice article about her stage name is Mademoiselle. Wait, un choix de référence à son prénom qui n'est autre que Charlène. So she's been playing since she was a kid, and she can play piano just lovely, and her voice is amazing. So just wanted to take a petit détour with a little French synth pop tonight. While we don't have Carol, Olaf, or Frederic with me tonight, it's just you and me, our listeners. So if you'd like to request something while the music's playing, call the studio line at 612-341-0980. That's 612-341-0980. And let's go ahead and play a little bit more music, and we'll just get back to that. Here we go, with a little bit of Django Reinhardt. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis 106.7 FM Saint Paul Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul Radio Without Boundaries. In the program I'm presenting, my name is Dana, otherwise known as Madame DB. And we are playing some French music as usual on Bonjour Minnesota. If you have a song you'd like to hear,

Alors, on vient d'entendre, c'était Sylvie Vartan avec « L'amour, c'est comme une cigarette ». Je suis vraiment en mille excuses. Nous, we did not have to take a detour back to the 1980s, but I felt like it, so I do apologize to everyone. Sylvie Vartan. And before that, we had Annie Cordy with « Cigarette, whisky et petite pépé ». And if that's your life, you must love it, because that's what it is. I love Annie Cordy. And prior to that, we had Edith Piaf. So what do we have going on? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On va prendre une petite... Qu'est-ce qui se passe à l'Alliance Française? On se demande quoi de neuf. Alors, si vous vous demandez what's going on, let's see. We have special guest next week. We are going to be having Marc Labine from the Franco-American Chamber. Let's see. I'm sorry. The French-American Heritage Foundation will be our guest, special guest next week on Bonjour Minnesota to discuss what's going on, what kind of exciting things they have in store for us. But there will be a heritage storytelling taking place at the Banfield Locke Center for the Arts on September 15th, just 3 days from now, Friday night. And that is taking place at 6 p.m. I did miss some items. September 13th, tomorrow night at 6 p.m., there'll be a conversation with Dr. Lily Garder-Feldman, who will be discussing what's going on, the American Council on Germany, and they'll talk about Franco-German reconciliation to the integration of recent immigrants to the United States and Germany. So it's an intellectual, political, and personal journey she'll be discussing. That will be taking place tomorrow night at the Alliance Française. As well, we have September 14th, Thursday night, a great cinema fundraiser and open house for the Trilon. We're hoping to have Jean Moret on soon in order to tell us about the upcoming films. I know they have a French film festival in December, but until then, of course, the Trilon is the spot for excellent curated films. So if you want to attend the fundraiser and open house Thursday at 6 p.m. at the Trilon Cinema in Minneapolis. It's no longer micro, by the way. Sunday, September 17th, History Cruise, the Shorelines of Lake City, another event hosted by the Franco-American Heritage Foundation. What's exciting about this is that Goodhue County Historical Society, you go aboard the Pearl of the Lake, traveling the waters of Lake Pepin and the Mississippi River too, discover the area and understand about the French heritage. So have you heard of Central Point, Rest Island, and Old Frontenac? And, well, there's great history that took place there. Central Point is known for the location of where Sea Wing capsized, but do you know the story of the Hoxie-le-Parc located in the vicinity? Did you know that Rest Island was the home for those wishing to be cured of alcoholism? Well, there's a lot going on with the Franco-American Heritage Foundation, and you can attend this great cruise Sunday at 3:30 to 6:30 p.m. Again, you can find out more on the Bonjour Minnesota Facebook page or on the American Heritage Foundation page as well. Upcoming things happening at the Alliance Française. We, of course, like to promote the fact that they have so many classes going on. There is Cooking with Valerie. Intensive classes are back. There's 10-week and 5-week intensive classes. Classes in Rochester as well and around the Twin Cities. What did I miss? Les Navigateurs de la Littérature is taking place. This is tomorrow. What book are we reading here? This month's selection is Au Pays de Terre, Ben Jelloun. So what takes place? You practice your reading skills and comprehension with the Navigateur de la Littérature. We talk about the story of the book and things we liked or disliked about the book. Members are welcome to ask questions about things they did not understand, and read the story first, of course, and then have great conversations around the book. This group usually meets every second Wednesday of the month. So if you're interested in French literature, finding out more, or just not feeling so disconnected when you're making your book choices, this is a great way to get involved. So a lot of things going on in the Twin Cities, and we can leave you to go to afmsp.org to find out more, or visit the Bonjour Minnesota Facebook page for more information or to RSVP online. Let's get back to some music, and I want to mix it up a little bit with a little bit of Bébé Brune, which we do not play enough of here. Of course we do not. And we will go with their number one song, Dis-moi, suivi par... We'll find out. Here we go. Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à vendre ou je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi. Quand tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque t'embrasses ces gars. Je ne ferai point d'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Tu ne m'appartiens pas. Attache les bras. Quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les graves. Le voyeur en redemande, moi je ne veux que Una. Le plus bel des plus belles jambes et de la place pour trois. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça Una. Dis-moi. Dis-moi. Non, je ne craque. Tu ne m'appartiens pas. We heard Bébé Brune with Dis-moi, Tell Me, and that after that, Coups et Blessures, so punches and hurting, Bébé Brune. Let's take a little detour to something a little softer. Let's have a little Daniel Balavoine with Mon Fils, Ma Bataille. Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais la salie, jugée sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. J'étais là l'absence a des torts que rien ne défend. C'est mon enfant. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and the Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. All right, we just heard two tracks from Daniel Balavoine in the era of the late 1970s. The first one that we heard was Mon Fils, Ma Bataille. And I tell you, both of the songs are so tragic about a woman that he wanted her to stay and laws and a fight about a child. Then we had to hear this. J'ai choisi la chanson. I chose the song, The Singer. And it talks about how he has to be a singer. He has to work a full-time job to follow his dream. But then in the end, he's going to die alone and sad. And how did Balavoine? I know he did die. I think he might have killed himself. What actually happened? I know that somebody might tell me very quickly. But I had no idea that he's from Lorne. Oh, he died in a helicopter accident. And he was not very old. He was like in his early 30s. So, yeah, right in the middle of his great career. Of course, helicopter accident. So let's go a little bit back to love. French songs. Les chansons françaises sont toujours about toujours, ça parle toujours de l'amour. Et j'ai trouvé une chanson que je n'ai pas entendue depuis des années. The song was the favorite song of one of my ex-boyfriends. And why I chose to play this song, who knows why. It's just been years since I heard it. So here we go with SOS Amour by Alain Bachon. Difficile, le jour ça veut pas rentrer. T'as fouillé mon Belzonville, ça je peux pas saquer. En voulant nettoyer mon fouet, maintenant le coup est parti. Ton prix était presque parfait, ton prix était presque parfait. Je défends de loup, le chat à la chaloupe. Quand t'as la pénicilline, je m'arrête comme je veux. Ces hommes qui se tournent le pire et moi qui vis au mire. De quoi perdre son self-control? De quoi perdre son self-control? SOS amant. SOS amant. SOS amant. Dis ma coquille, je t'adore. Dis ma coquille, je t'adore. De lune de miel à Los Angeles sur Yvette. T'as les fins de mois après la profite. Quatre et quatre ça fait Covid. J'm'en retiens ça fait Coyote. Ton prix est presque parfait. Ton prix est presque parfait. SOS amant. SOS amant. SOS amant, tu m'as conquis, je t'adore. Tu m'as conquis, je t'adore. Difficile, jour